Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le troisième chapitre déjà. Donc, nous allons nous tourner ce matin vers le chapitre 3 qui m'a donné du fil à retordre, je peux vous dire. Ça n'a pas été facile d'arriver à une conclusion. Et ce matin, on ne va peut-être pas avancer beaucoup dans notre texte parce que je vais essayer de vous expliquer comment. J'en suis arrivé aux conclusions que j'en suis arrivé. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes reconnaissants que tu nous as donné ton Esprit Saint. Et sans cet Esprit, on voit que dans tous les mouvements religieux, qu'on s'égare, qu'on s'éloigne, qu'on apostasie, qu'on jette la vérité et qu'on garde la fausseté, parce que l'homme, dans son être intérieur, est incapable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais par l'Esprit Saint que tu fais habiter dans ceux que tu as régénérés, nous pouvons discerner ce qui vient de toi. Nous pouvons comprendre ce que tu veux nous dire, dans le but de te glorifier et dans le but de te servir. Conduis-nous encore ce matin pour que ta gloire puisse être manifestée. Amen. Donc, j'aimerais commencer par seulement lire le verset 1 et ensuite, ça, je vais essayer d'expliquer comment je suis venu à interpréter ce verset-là et m'en allant ensuite ça vers le chapitre 3, vers le chapitre 4. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc ici, il y a différentes façons de lire le texte et de l'interpréter, et qui nous amène à se poser un paquet de questions. Comme, il dit que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. Plus sévèrement que qui? Ils vont être jugés par qui? Ils vont être jugés quand? Il pourrait y avoir des réponses différentes ici. Qu'est-ce que Jacques veut dire à ces personnes qui reçoivent sa lettre? Et il leur dit, ne soyons pas trop qui enseignent, parce que vous savez qu'on va être jugé plus sévèrement. D'autres questions qu'on pourrait se poser, qui pourraient nous emmener à avoir des difficultés d'interprétation, c'est, pourquoi est-ce que ceux qui ont le don d'enseigner vont être jugés plus sévèrement? Pourquoi est-ce que Jacques ne veut-il pas qu'il y ait trop de personnes qui enseignent? Ça fait 35 ans que je suis dans le ministère, ou à peu près. Presque 35 ans que je suis chrétien, mettons 32, 33 ans dans le ministère. Et j'ai jamais entendu qui que ce soit dans nos églises, dans nos associations, de dire, mais là, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'enseignants. Hein? Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'enseignants. C'est le contraire. D'habituellement, on en veut toujours plus. On prie même que Dieu en donne. Et toutes les églises qui manquent d'enseignants prient pour en avoir des enseignants. Et on donne toutes sortes de cours pour savoir comment déceler les enseignants, comment les former les enseignants. Mais jamais on entend dire, il ne faut pas qu'il y en ait trop d'enseignants. Et en plus, on leur dit à ces enseignants-là, ces enseignants potentiels-là, ben, si tu décides d'être un enseignant, souviens-toi bien que tu vas être jugé plus sévèrement que les autres. Oups! Cela n'encourage pas ceux qui pensaient l'avoir à vouloir aller dans cette direction-là. Et la question qui serait légitime, pourquoi est-ce que je vais être jugé plus sévèrement par un don, pour un don qui m'a été donné souverainement par Dieu? Dieu décide de me donner un don, mais en même temps, il me dit qu'il va me juger plus sévèrement que les autres qui n'ont pas reçu ce don-là. Je trouve ça un peu difficile à accepter, surtout pour moi, qui je pense avoir reçu le don d'enseigner. Donc, je me dis, oh! Et la question qu'on se pose, mais pourquoi d'être jugé plus sévèrement à cause que j'ai un don d'enseigner, que l'autre qui a reçu le don de prophète, que d'autres qui a reçu le don de donner, le don de compassion, de miséricorde, le don de servir, pourquoi les autres seraient jugés moins sévèrement? Oui, celui qui a reçu un don d'enseigner peut l'utiliser mal, peut l'utiliser pour sa gloire, peut l'utiliser pour s'enorgueillir, pour prendre l'autorité. Mais j'étais assez longtemps dans les églises pour savoir que les dons d'enseigner, les dons de prophète, les dons de servir, les dons de donner peuvent aussi utiliser leurs dons par orgueil, pour toutes sortes de mauvaises raisons, avec toutes sortes de mauvais motifs. Hein. Donc, on se pose la question, mais pourquoi, hein? Pourquoi, Jacques dit-il, soyez pas beaucoup qui enseignent, parce que vous savez qu'on va être jugé plus sévèrement. Ça me paraît un peu difficile à prendre ça tout de suite comme ça, après ma barre, avec un verset, puis dire à tout le monde, mais là, ceux qui sont dans l'Église, les enseignants dans l'Église, là, on parle-tu des enseignants, seulement des enseignants dirigeants, comme pasteurs anciens, ou si on parle aussi des enseignants à l'école du dimanche? Hein? Est-ce qu'on parle aussi des enseignants dans les réunions de couple? Hein? Est-ce qu'on parle des enseignants qui donnent des cours un à un? De qui est-ce qu'on parle? Bon, on applique le texte aux enseignants, les pasteurs, les dirigeants. Mais le texte ne nous dit pas ça tout à fait de même, pas de façon aussi explicite que ça, mais il dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui enseignent. Donc, ça pourrait être d'une façon générale. Pour que vous compreniez la position que je vais prendre par rapport à ce texte-là, je vais vous donner une vue d'ensemble de Jacques. C'est ce que j'ai fait. Je me suis assis et j'ai fait un résumé de l'épître de Jacques. J'ai pu une feuille 8,5 par 11 et j'ai fait un résumé en grande ligne. Qu'est-ce que Jacques parlait? Et ça m'a aidé à comprendre le texte ici. Et j'aimerais donc vous passer ce principe-là, frères et sœurs. N'essayez jamais d'interpréter un verset sans comprendre l'ensemble du livre. Vous allez probablement faire les mêmes erreurs qu'on a faites, que j'ai faites. On va être enseigné hors contexte. Dans l'ensemble du livre de Jacques. Quand on parle de juger, nous serons jugés plus sévèrement. Quand on parle de juger dans l'épître de Jacques, parle-t-on d'un jugement partiel, temporaire, d'un jugement sur la terre pendant qu'on est là, parce qu'il y a des versets dans la Bible qu'on parle que le jugement a lieu chez les chrétiens. Il dit le jugement de Dieu commence par son Église, dans Pierre. On parle de ça. Il y a des jugements dans 1 Corinthiens. C'est pour ça qu'il y en a qui sont jugés, qui sont malades, qui sont infirmes, qui sont morts. Parce qu'il dit, Dieu vous a jugés, afin que vous ne soyez pas condamnés avec le monde. Donc, il y a des jugements qui arrivent chez les chrétiens et chez les non-chrétiens. En théologie, on appelle ça des jugements partiels, avant le jugement final, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et être séparé dans l'enfer sans Dieu. Mais dans l'épître de Jacques, si vous prenez le mot juger, jugement, toutes ces places-là dans son épître, de quoi parle-t-il? Je crois qu'il parle du jugement dernier. À la fin, quand vous allez être jugé. Il ne parle pas de jugement partiel. Il ne parle pas de jugement temporaire. Il parle à la fin. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il va parler de persévérance. Et si vous prenez le jugement, et si effectivement j'ai bien compris que c'est le jugement dernier, ou à la fin de ma vie, ou à la fin du monde, ce jugement-là, quand je regarde dans Jacques les conséquences qui arrivent, quels vont être les résultats ou les conséquences à la fin devant ce jugement-là? Est-ce que ça va être un jugement pour déterminer les récompenses que les chrétiens vont avoir selon leur travail qu'ils ont fait? Ou ça, est-ce que ça va être un jugement pour déterminer quelle punition ceux qui vont aller en enfer vont avoir? Est-ce que le jugement est pour déterminer des degrés? Si vous lisez Jacques et vous sortez tous les versets qui parlent de ces jugements-là et des conséquences, des résultats, on est obligé de dire que non. Les résultats dont Jacques parle, c'est la condamnation ou le salut. Si je fais un petit résumé de cela, il dit dans le premier chapitre, il dit « Celui qui supportera avec patience la tentation ou l'épreuve, il va recevoir la couronne de vie. S'il ne supporte pas cela, l'épreuve avec patience, il n'aura pas la couronne de vie. » Il dit dans le verset 2, et dans le chapitre 1, à la fin, il dit, si tu juges sans miséricorde, si tu es sans miséricorde envers les gens dans l'Église, ou qui viennent à l'Église, ton jugement sera sans miséricorde. Il dit, la miséricorde va triompher du jugement. Donc, il dit, si tu n'as pas fait miséricorde à ceux qui t'entourent, tu ne recevras pas miséricorde au jugement. Dieu va être sans pitié, sans miséricorde, sans compassion. Ensuite, il parle de la foi sans les œuvres. Il dit, si ta foi n'a pas les œuvres qui devraient aller avec, ta foi est inutile, ta foi est vaine, ta foi est diabolique. Elle ne sauve pas cette foi-là. Donc, si tu n'es pas sauvé, tu es condamné. Et dans le chapitre 3, on va parler de cette sagesse. Cette sagesse qui vient d'en haut ou cette sagesse qui vient du monde, cette sagesse qui vient de la chair, cette sagesse qui vient du diable. Il y a une comparaison entre les conséquences de celui qui a une sagesse céleste et une sagesse diabolique. Puis il continue en parlant, à s'en aller vers le chapitre 4, puis je crois que ça continue, c'est la suite du chapitre 3, là, il n'y a pas d'arrêt. Il dit, si vous jugez les frères, et si vous querellez, et vous convoitez, vous ne possédez pas, et vous avez toutes sortes de problèmes entre vous, il dit, ne jugez pas les autres, parce que laissez ça à Dieu. Il n'y a aucun qui peut juger. Et l'issue du jugement qui parle dans le chapitre 4, c'est, il peut sauver ou perdre. On ne parle pas ici de degré de récompense ou de degré de punition, mais il dit, à l'issue de ce jugement, ça va être la perdition ou le salut. Et quand vous arrivez au chapitre 5, hein, il dit, frère, soyez patient jusqu'au retour du Seigneur. Et si vous n'êtes pas patient jusqu'au retour du Seigneur, vous allez être jugé, vous allez être condamné. Donc, si je prends l'ensemble de l'épître de Jacques, Jacques, il ne parle pas ici de... Parmi les chrétiens, ceux qui ont le don d'enseigner, dépendamment s'ils enseignent bien ou ils enseignent moins bien, ou s'ils enseignent avec des bons motifs ou des mauvais motifs, ou s'ils enseignent plus de vérité ou moins de vérité, ils vont avoir plus ou moins de récompenses. Non. Je crois que Jacques est en train de dire, soyons pas beaucoup qui enseignent, puis c'est une situation bien spéciale, il dit, si vous enseignez, il y a un jugement qui va arriver à la fin. Et ce jugement-là, ça va être une conséquence d'être sauvé ou être condamné. Parce que c'est ça l'ensemble du livre qui est en train de nous parler. Il dit, ce que Jacques est en train ici de faire, dans toute l'épître, et aussi dans le chapitre 3, qu'on étudie ce matin, il n'est pas en train de vouloir aider les chrétiens à avoir une récompense plus grande, ou aider les inconvertis à avoir un jugement moins sévère, mais je crois, hein, qu'il est en train de vouloir aider ceux qui reçoivent la lettre dans l'ensemble des 12 tribus que lui à qui il écrit. Il veut aider les gens à ne pas être condamnés, mais à être sauvés. Je ne sais pas qu'est-ce que Jacques avait entendu. Je ne sais pas ce qu'il avait reçu pour pouvoir écrire de telles choses à ces gens-là. Ou bien non, s'il a été dirigé par Dieu, puis il a lancé quelque chose de général, qu'il avait à cœur de faire, ou quelque chose qu'il avait vu dans Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, puis qu'il aurait voulu maintenant dire, si ça se passe ici, ça doit se passer ailleurs, puis je vais partager ce principe-là avec tout le monde. Ça pourrait être ça. Mais dans l'ensemble de l'épître de Jacques, Jacques veut aider les gens à persévérer afin qu'ils reçoivent la couronne de vie. Il veut aider les gens à avoir une foi qui sauve. Il veut aider les gens à avoir de la miséricorde afin qu'ils triomphent du jugement par la miséricorde. Il veut aider les gens à persévérer jusqu'au retour du Seigneur et qu'ils reçoivent comme Job une récompense, qui est la vie éternelle. C'est ça qu'il est en train de faire dans l'ensemble de l'épître de Jacques. Et je crois que c'est la même chose ici. Il dit, si vous enseignez pas ce que vous devriez enseigner, si vous enseignez, on va voir là, on va le voir dans le chapitre 3 ou 4, là, et qu'est-ce qu'il est en train de vouloir parler. Mais il dit, si vous enseignez pas ce qui devrait être enseigné, si vous réagissez mal aux épreuves et aux tentations, si vous voulez justifier le fait que vous êtes des auditeurs oublieux, si vous voulez justifier de ne pas avoir de la miséricorde envers les pauvres. Si vous voulez justifier une foi sans les œuvres, vous allez être jugé plus sévèrement. Pas plus sévèrement que ceux qui ont d'autres dons. Mais vous allez être jugé plus sévèrement que si vous aviez eu, si vous aviez persévéré dans la foi, si vous aviez eu une foi qui sauve. C'est quoi qu'il est en train de dire ici? Et tu vas le juger plus sévèrement, non pas en comparaison avec quelqu'un d'autre, hein, mais il dit, si tu enseignes la vérité, tu vas être jugé avec grâce, avec compassion, avec miséricorde, avec bonté de la part de Dieu. Mais si ce que tu enseignes n'est pas de Dieu, tu vas être jugé plus sévèrement que si tu avais enseigné la vérité. C'est ce que je pense que le texte est en train de vouloir nous dire ici, si je regarde l'ensemble de l'épître de Jacques. Si je peux terminer, parce que je vois que mon temps est terminé pour ce matin. C'est un peu la comparaison avec la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il y a quatre sortes de terres. Ils ont reçu l'évangile dans la parabole du semeur. Et l'évangile tombe sur de la terre, sur du roc, dans les mauvaises herbes et dans la bonne terre. On sait qu'il y en a juste une qui est sauvé là-dedans. Les autres, ils ne sont pas. Un, il reçoit la bonne nouvelle, il la reçoit avec joie, mais le diable vient puis enlève. Pas de fruits. L'autre reçoit l'évangile avec foi, il croit, mais quand les persécutions viennent, et c'est ce qu'on parle ici, quand les persécutions viennent, on s'aperçoit que la graine est tombée sur le roc, et elle ne persiste pas dans la persécution, et elle lâche, elle abandonne. Et l'autre, lui, il reçoit l'évangile à travers les mauvaises herbes. Et là, les richesses du monde, les plaisirs du monde, il l'accable. Et c'est pour ça que je crois ici que dans l'épître de Jacques, on parle tant hein, des riches et des pauvres. De ce problème qu'il y a entre les riches et les pauvres. De ce problème qu'on va voir au chapitre 4, puis au chapitre 5, que les riches, Jacques s'adresse durement aux riches. Je crois qu'ils sont en train ici de prendre une décision dans ces 12 tribus-là, qui ont été persécutés et chassés de chez eux. Ils sont en train de vivre un peu comme la parabole du semeur. Est-ce qu'il y en a qui sont en train d'abandonner? D'autres, les persécutions les poussent à abandonner. D'autres, ayant tout perdu leur richesse ou étant proches de perdre toute leur richesse, ils vont abandonner l'évangile à la place. Et Jacques dit non. Soyez de ceux qui reçoivent l'évangile dans la bonne terre. Persévérez. Vous allez recevoir la couronne de vérité. Soyez des miséricordieux, et ne soyez pas des auditeurs oublieux. Et il y a une foi qui sauve. Et tout cela, hein, c'est parce qu'il veut emmener ces gens-là à garder la vérité qu'ils ont reçue et passer à travers ce temps-là difficile qu'ils vivent. Je m'identifie ici un peu avec Jacques parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone et qui m'a parlé, qui est en train d'abandonner, il n'a pas dit ça de même, mais lui est en train de dire qu'il abandonnait la foi de la Trinité. Quelqu'un que j'ai conduit au Seigneur. Moi-même, il y a plusieurs années. Il est en train d'abandonner la vérité par rapport à la doctrine de la Trinité. Et j'ai fait ce que Jacques a fait ici. J'ai parlé. J'ai parlé afin qu'elle conserve la vérité reçue et qu'elle soit épargnée du jugement. Mais j'ai dit, si tu continues et tu gardes cette pensée que la Trinité n'existe pas et que Jésus et Dieu ne font pas un, tu vas être perdu. L'issue du jugement, c'est la condamnation. Et c'est ce que Paul, pas excusez pas Paul, mais Jacques, veut ici partager ce matin avec l'Église des 12 tribus. Donc, demain, je vais revenir à ça. Et ça va faire du sens. Vous allez voir dans chapitre 3 et 4 et 5, on va y revenir. Et on va voir ce que je vous ai résumé dans toute l'épître. On va le voir ici avec la langue, avec la sagesse, avec l'amour du monde, avec toutes sortes de choses demain qui revient, qui fait qu'il dit, mais prends un choix, mon chum, prends un choix. Et on va voir ça demain. Notre Père du ciel, donne-nous de toujours avoir le désir de bien comprendre les textes dans leur contexte. Aide-nous à saisir ici ce que Jacques voulait dire ou ce que toi tu voulais dire à ces 12 tribus-là, en utilisant Jacques pour le faire. Aide-nous à comprendre ces grandes vérités, afin d'être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et qu'on va recevoir la couronne de vie. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.